À l'occasion des 63 ans de la victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie et du mois de solidarité avec le peuple coréen, un rendez-vous et une séance de cinéma ont eu lieu le 23 en Allemagne. À la séance de cinéma a été projeté un film coréen sur les exploits du maréchal Kim Jong-un. Au rendez-vous ont pris part les personnalités de la filiale allemande de l'Association d'amitié avec la Corée et du Cercle allemand d'études de la culture coréenne ainsi que les habitants. Par ailleurs, une cérémonie de solidarité avec le peuple coréen a eu lieu le 22 à la Havane de Cuba, sous les auspices communs du comité préparatoire cubain pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, de l'Association cubaine d'amitié avec le peuple et du comité cubain pour la réunification de la Corée.